Unité 5, leçon 1. Document 1, page 86. Tu as écouté les nouvelles ce matin ? Non, mais j'ai rencontré ma voisine dans l'escalier. Celle qui sait tout ? Oui. Elle m'a dit qu'il y avait eu un accident de train en Angleterre, mais qu'il n'y avait pas de victimes. Elle m'a expliqué que le Premier ministre voulait augmenter les impôts et qu'elle n'était pas d'accord. Quoi encore ? Attends. Ah oui, elle m'a demandé si j'irais à la manifestation organisée par la Société protectrice des animaux. Elle en a entendu parler à la radio et elle veut y aller avec son chat et son poisson rouge. Il va être content, le poisson. Et aussi, elle m'a demandé ce que j'allais faire samedi parce que Hugo va déménager. Et elle m'a dit qu'il y aurait du bruit dans l'immeuble. Intéressant. Tu m'as demandé si je connaissais les nouvelles ? Je te dis tout ce que je sais. Et elle ne t'a pas dit que le gouvernement avait supprimé un jour férié ? Tu plaisantes ? Pas du tout. Ils l'ont annoncé officiellement ce matin. L'année prochaine, on devra travailler un jour de plus, gratuitement. Ça, bien sûr, ma voisine, ça ne l'intéresse pas. Elle ne travaille plus depuis longtemps.